Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle relation entre la littérature, le cinéma et la guerre moderne, industrielle et démocratique à l'ère des masses ? Quel rôle a pu jouer l'argot des poilus pour bouger les lignes alors que tout le monde écrit dans les tranchées, lettres, poèmes, récits ? Comment traduire la cacophonie, se sensibiliser à l'entrechoc ? Quelles voix innovantes prend le roman, notamment anglo-saxon, pour traduire ces polyphonies, demande Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine. Comment le cinéma devient-il l'art de l'aléatoire et parvient-il à rendre compte d'une réalité fragmentée, mouvante, kaléidoscopique, demande Olivier Agar, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne Paris 4 et spécialiste de l'histoire des idées en Allemagne au XXe siècle. Comment, selon Krakauer, le cinéma ne permet pas de vaincre l'horreur mais nous transforme en observateurs conscients de cette horreur. Dans une approche interdisciplinaire, nous vous invitons à écouter ces jours-ci les contributions qui ont été données en octobre 2014 lors du grand colloque de rentrée du Collège de France intitulé « Autour de 1914-1918, nouvelles figures de la pensée, sciences, arts et lettres » sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. L'historien de la littérature, Antoine Compagnon, interroge en première partie les effets de la guerre sur l'écriture. Du rapport à la démocratisation dans la tranchée pour Andrieux de La Rochelle, à la pagaille discursive dans No More Parades de Ford Madox Ford. Comment les courants de conscience qui existaient comme techniques d'écriture avant la guerre ont-ils pris corps et se sont développés avec les traumatismes du premier conflit mondial ? En deuxième partie, Olivier Agar revient sur le sentiment de ruine des Allemands avant même la Grande Guerre face à la modernité et au profond traumatisme du premier conflit mondial dans les années 1920-1930. Il s'attache notamment aux analyses de Krakauer et de Benjamin qui conçoivent le cinéma comme organiquement lié à une civilisation moderne post-bourgeoise nourrie de l'expérience de la guerre. Nous gagnons le Collège de France le 16 octobre 2014 pour le colloque « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Tout de suite, nous retrouvons Antoine Compagnon, « Guerre, littérature et démocratie ». La question que je voudrais aborder est pour moi une vraie question. Je veux dire, c'est une question ouverte, une question dont je n'ai pas, en prenant la parole, la réponse. Elle a à voir avec cette grande guerre, la démocratie et la littérature, c'est-à-dire principalement le roman. Et elle a son origine dans mon cours de l'an dernier sur la guerre de 14-18 et d'une anthologie que j'ai publiée au printemps dernier. Cette guerre a souvent été qualifiée de démocratique, de première guerre démocratique, moderne et industrielle, après quelques expérimentations lors de la guerre de sécession américaine et de la guerre des bourgs. Cette guerre aurait été démocratique parce que des soldats par millions y furent tués, mais qu'ils ne tuèrent quasi jamais. Beaucoup n'ayant pas tiré un seul coup de fusil en 4 ans, parce qu'ils n'en eurent jamais l'occasion. Mutilés, déchirés par les éclats d'obus, ils furent des victimes, mais ni des héros, ni des bourreaux. Et les images du troupeau, du bétail, de l'abattoir, de la boucherie abondent pour figurer le sort des combattants de cette guerre, comme dans l'un des romans les plus justement célèbres, « Le grand troupeau » de Jean Giono en 1931. Pierre Drieux-La Rochelle, dans « La comédie de Charleroi », autre chef-d'œuvre de la littérature française de cette guerre, publié en 1934, insiste sur le caractère indissociablement industriel et démocratique de la guerre moderne, à la différence de la guerre éternelle, de la guerre de l'Iliade, de la guerre de la chevalerie médiévale, ou même de la guerre napoléonienne, quand le caporal pouvait devenir maréchal sans noblir. Drieux-La Rochelle écrivait « C'est plutôt une guerre pour bureaucrates, ingénieurs, un supplice inventé par des ingénieurs sadiques pour des bureaucrates tristes. Mais ce n'est pas une guerre pour guerriers. » Il ajoutait « Je ne suis pas très sûr des mérites de la guerre du passé, mais je suis sûr des démérites de la guerre actuelle. Elle n'a rien de noble, c'est une guerre démocratique. » Et il l'expliquait ainsi « Un homme ne doit tuer un homme que quand il le voit à bout de bras. » Guerre moderne, démocratique, industrielle, cela veut dire guerre anonyme. Nous entrons dans l'époque des grandes masses, disait-il, époque caractérisée par la puissance des masses et par l'impuissance des individus. Dans cette guerre, seuls les aviateurs, héritiers des cavaliers, qui étaient encore souvent des aristocrates en 1914, mais qui étaient démontés dans les tranchées dès l'automne, seuls les aviateurs virent la guerre de haut, non au ras du sol ou sous terre. Seuls les aviateurs combattirent un ennemi qu'ils voyaient homme à homme entre 1914 et 1918. Et dans le récit de Drieux, « Faites-vous aviateur », recommande un personnage à un cavalier qui est dégoûté par les obus et les tranchées. Les aviateurs sont les privilégiés du combat moderne, comme les chevaliers du Moyen-Âge. Dans La Grande Illusion, film de Jean Renoir en 1937, cette fraternité d'armes de deux aristocrates ennemis, officiers de cavalerie, le capitaine de Boieldieu, cavalier, et le commandant von Rothenstein, cavalier devenu aviateur, s'exprime dans une conversation nostalgique sur la fin d'une époque, l'Ancien Régime, qui, suivant l'historien Arnaud Meyer, aurait persisté non seulement tout au long du XIXe siècle, mais jusqu'en 1914, sous la Troisième République, en particulier dans l'armée. Mais la Grande Guerre fut une guerre de civils, dit encore Drieux. Rothenstein, blessé, Erich von Stroheim, commande le camp de prisonniers où se trouve Boieldieu. Et voici leur conversation. Boieldieu, me permettez-vous une question ? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous ? Pourquoi ? Parce que vous vous appelez Boieldieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi Rothenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi officiers, un maréchal et un Rosenthal, officiers. Ce sont de bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Ni vous, ni moi, nous pouvons arrêter la marche du temps. Boieldieu, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Rothenstein et des Boieldieu. Plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage ? Peut-être. Ce déclin de l'aristocratie, ce déclassement social, c'est un phénomène social que Proust observe également dans le bal de tête, à la fin du temps retrouvé, mariant Madame de Verdurin au prince de Guermantes et transformant le grand monde en danse macabre. L'effet démocratique de la Grande Guerre tient encore à d'autres raisons qu'à son industrialisation de la mort, par exemple à sa longueur. Elle fut longue, très longue, trop longue, et des hommes de tous âges, de toute province, de tout métier, vécurent, combattirent, moururent ensemble dans les tranchées, La guerre fut un melting pot humain, un creuset social, un bouillon culturel. Or, durant cette guerre, tout le monde écrivait. Ce fut la première guerre faite après que la généralisation de l'enseignement primaire, l'école de Jules Ferry, eut produit ses effets. Elle fut donc faite par des hommes qui savaient lire et écrire. La plupart des soldats partirent en campagne en août 14 avec un carnet dans leur poche pour prendre des notes, raconter. Et la lecture, et aussi l'écriture, devinrent des activités essentielles dès que le front s'immobilisa à l'automne 14 et que les hommes, pour ainsi dire, eurent du temps à tuer. Une guerre de position, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis et peu d'action. Une rare offensive se soldant par quelques mètres carrés perdus ou conquis, bientôt reperdus. 4 millions de lettres étaient expédiées du front français chaque jour et autant parvenaient au front de l'arrière des lignes. Seuls 4% des conscrits, dit-on, étaient illettrés dans la classe 1914. Chiffre exagérément optimiste puisqu'il est supérieur aujourd'hui pour les garçons, non pas pour les filles, lors des journées défense et citoyenneté. Les recueils de lettres de Poilu montrent que beaucoup avaient appris à faire de belles rédactions, à décrire un paysage, à raconter un assaut ou une retraite. Dans les tranchées, disait Blaise Sandrard, tout le monde écrivait des poèmes. Plus de 2000 poètes sont catalogués au Royaume-Uni et autant en Allemagne. En France, nous avons oublié la plupart des poètes de guerre, à part Apollinaire, et le genre littéraire de guerre prééminent est devenu le roman. Ma question est donc celle-ci. Cette guerre moderne qui mobilisa les masses comme aucune autre auparavant, cette guerre qui déclencha la lecture et l'écriture dans des proportions inconnues jusque-là et que nul événement historique antérieur n'avait provoqué, cette guerre qui fut un tournant pour la démocratisation de la société, qui démocratisa par exemple le sport et les loisirs, le football, derrière les tranchées, auxquelles l'encadrement encourageait comme il incitait à la lecture pour entretenir le moral des armées, cette guerre transforma-t-elle les relations entre la démocratie et la littérature, en l'occurrence le roman, fut-elle aussi un creuset linguistique, un melting pot littéraire? Rendit-elle la littérature plus, disons-le, démocratique, sans oublier que le populisme, dont on parle beaucoup aujourd'hui, désigna d'abord, dans les années 20, une école littéraire à la suite de la guerre. Bien sûr, on peut contester le caractère démocratique de cette guerre. C'est peut-être cela, la grande illusion dans le film de Renoir, l'idée que la communauté des hommes, ici représentée par ces six prisonniers à la fenêtre, l'idée que cette communauté de toutes les classes sociales survivra à la guerre. Un livre a été publié l'automne dernier, « Tous unis dans la tranchée, 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple » par l'historien Nicolas Mario. Il montre que la rencontre entre les intellectuels et le peuple, dans le film de Renoir, l'aristocrate, le mécanicien parisien, le fils de banquier juif et le professeur qui traduit Pindare, cette rencontre fut limitée. Les intellectuels mobilisés comme hommes du rang en août 14 furent vite promus après que les officiers et sous-officiers d'infanterie avaient été plus que décimés durant les premiers mois de la guerre. Les instituteurs firent, dès l'automne, des caporaux et des sergents. Les professeurs du secondaire devinrent aussitôt des officiers subalternes. Dans les tranchées, les bourgeois, même s'ils étaient hommes du rang, disposaient d'ordonnances ou de tampons, comme les sous-officiers, des paysans ou des domestiques auxquels ils donnaient la pièce parce qu'ils étaient incapables de prendre soin de leur ordinaire, de leur ravitaillement, de leur couchage, du nettoyage de leur arme. Ne prétendons donc pas que cela fut un exemple de démocratie, mais le creuset des classes, le métissage social fut plus développé qu'ailleurs et qu'auparavant. Se traduisirent-ils dans la littérature? dont Le Feu de Barbus, qui est le best-seller de la guerre, 300 000 exemplaires vendus entre l'automne 16 et novembre 18, et c'est cela aussi la démocratie, c'est illustré par ce livre que tous les soldats ont lu dans les tranchées, livre qui leur donnait un cadre pour représenter leur expérience, qui leur fournissait des mots pour raconter ce qu'ils vivaient, qui leur permettait même de vivre ce qu'ils vivaient. Bien, dans Le Feu, il y a un chapitre central intitulé « Les gros mots » qui parle de la langue autorisée en littérature, qui commence sur une distinction de classe. Tandis que le narrateur écrit, j'ai dit « tout le monde écrit », mais il n'écrit ni lettres ni poèmes, comme tout le monde. Un camarade l'interrompt. « Dis-moi, toi qui écris, tu écriras plus tard sur les soldats, tu parleras de nous ?»« Mais oui, fils, je parlerai de toi, des copains de notre existence. Dis-moi donc, il indique de la tête, les papiers où j'étais en train de prendre des notes, le crayon en suspens. Je l'observe et l'écoute. Il a envie de me poser une question. Dis donc, sans te recommander, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Voilà la chose. Si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les feras parler comme ils parlent ou bien est-ce que tu arrangerais ça en... Lousdoc. C'est rapport aux gros mots qu'on dit, car enfin on a beau être très camarade et sans qu'on s'engueule pour ça, tu n'entendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant une minute sans qu'ils disent et qu'ils répètent des choses que les imprimeurs n'aiment pas bézef imprimer. Alors quoi, si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas ressemblant, c'est comme qui dirait que tu voudrais les peindre et qu'ils ne remettent pas une des couleurs les plus voyantes partout où elle est, etc. Cela, Barbus l'écrivit après s'être querellé avec la rédaction du journal, journal de gauche, l'œuvre dans laquelle son roman paraissait en feuilleton et qui en fit un succès populaire, mais qui censurait ces mots d'argot poilu. Bien sûr, on trouverait quelques gros mots dans la littérature française avant Barbus, chez Balzac, Zola, Descaves, mais le roman de Barbus représente un tournant. Longtemps, Céline pensa qu'il ne pourrait pas faire mieux avant « Voyage au bout de la nuit », publié en 1932, publié, comme tous les meilleurs romans sur la Grande Guerre, en ce début des années 30, bien après la fin de l'après-guerre, et comme en entrée dans l'avant-guerre. Que la démocratie dans le roman puisse prendre la forme de gros mots, cela peut sembler naïf. Pourtant, même si le brassage social fut limité dans les tranchées, il transforma la langue. De nombreux mots français courants ont leur origine dans la guerre. J'ai insisté dans mon cours de l'an dernier sur deux d'entre eux, cafard et pagaille, inconnus avant 14, ubiquitaires après 18. Cafard, pour l'ennui, présenté dans un journal de prisonniers, ainsi dès 1915. Nouveau mot apparu dans la guerre, pour l'ennui, le spleen, la mélancolie de l'inactivité, mot qui venait de l'armée d'Afrique, posté loin dans le désert. On passe donc de l'insecte à la tristesse par la couleur noire, mal qui était aussi appelé saharite, souanite et biscrite, et qui envahit la langue. On se décernait dans les tranchées l'ordre du cafard, et il y a beaucoup de représentations de cet ordre du cafard, beaucoup d'objets qui nous montrent cet ibi semper qui le caractérise. Et dès 1918, un livre de deux médecins sur le cafard pour savoir si le cafard est vraiment une entité nosographique. Et vous pouvez voir l'autre ouvrage qu'ont écrit ces deux docteurs. Ils ont d'abord écrit Le Courage et puis Le Cafard. Courage et cafard, ce sont les deux pôles de cette guerre. L'autre terme que j'évoquais, pagaille, pour désigner le désordre qui est entré dans la langue à ce moment-là, c'est un mot qui venait des marins. Mettre en pagaille, c'est jeter l'ancre dans l'urgence. La guerre, le mouvement de la guerre, c'est de la parade à la pagaille. Pagaille est dans tous les livres de guerre, quand une escouade, une section, une compagnie monte à l'assaut et que les rangs se défont. Le concept de la guerre, pour un fantassin qui la voit d'en bas, c'est la pagaille. Tant et si bien qu'un livre sur la guerre pourra être intitulé « La grande pagaille », 1937, la même année que « La grande illusion ». Le référent n'a pas la moindre équivoque. Nous pouvons donc avancer que la Grande Guerre a démocratisé la langue française au sens superficiel où elle l'a rendue moins surveillée, moins censurée, moins restreinte, et nous avons une série de superbes dictionnaires publiés dès la guerre, comme ceux d'Albert Dauzat, Gaston Hénault, etc. Ils enregistrèrent sur le champ les transformations de la langue commune, qui est toujours la nôtre, par le parler des tranchées. Mais que fit-elle à la littérature elle-même ? On a souvent remarqué que la guerre avait eu pour effet de faire revenir la littérature française à la tradition, à la convention, la poésie à l'alexandrin, le roman au naturalisme, après une année 1913 qui avait vu le triomphe du modernisme international. Alcool d'Apollinaire, prose du transsibérien de Sandrard, papier de Collé, de Braque et Picasso, ballet russe et Stravinsky, du côté de chez Swann, Art Moréchaux à New York, etc. Or, sous l'uniforme, les écrivains préférèrent la convention avant qu'une autre modernité, celle du surréalisme, ne surgisse après la guerre et occulte la guerre, puisque Breton, Aragon, Éluard l'écartent de leur inspiration et n'en font jamais mention. C'est donc hors de la littérature française que je prendrai l'exemple d'une forme innovante, en l'occurrence d'une technique narrative dont la diffusion me semble liée à l'expérience de la guerre, au bruit de la guerre, au vacarme de la guerre. Car la guerre, c'est d'abord du bruit, the sound and the fury, et le brouhaha du mélange des voix. On pourrait signaler beaucoup de romans non français faisant place à ce brouhaha, comme ceux de la Lost Generation américaine, Cummings, Dos Passos, Hemingway, et les premiers romans de Faulkner. Prenons un exemple dans l'un des plus beaux spécimens de la prose moderniste anglaise, produite aussitôt après la guerre. Je pense au premier chapitre du deuxième tome de la tétralogie de Ford Madox Ford, plus tard réunie après sa mort sous le titre « Parade's End », la fin de la parade, autrement dit la pagaille. Le deuxième tome a pour titre « No More Parades », la parade est finie, 1925. Il s'ouvre sur un chapitre qui se situe dans les tranchées, sous les obus, dans un abri où sont réunis, et voilà ce mélange social, deux hommes de troupe, deux sous-officiers et deux officiers qui attendent et ressassent des pensées, des monologues intérieurs. Et il s'ensuit un long, confus, très long, tout un chapitre, confus et décousu, collage de courants de conscience, comme on a appelé cette technique du « stream of consciousness ». De sous-conversation et de polyphonie. Voilà l'obus qui tombe, an enormous crashing sound, said things of an intolerable intimacy to each of those men and to all of them as a body, each and all. After its mortal vomiting, all the other sounds appeared at a rushing silence. Et peu à peu, on entre dans la suite de ces monologues intérieurs. Il y a l'adjectif inaudible qui est répété trois fois. Chacun est inaudible à l'autre. Et l'un des officiers devient fou dans cette scène. L'un had a one of his mad fits. Le sous-officier voudrait venir à son secours. Et vous avez, je pense que j'ai le point où le texte bascule dans le monologue intérieur. C'est avec ce mot, the best officer in his majesty's army. On est passé à l'expression du courant de conscience et à cette sorte d'embrayage dans la sous-conversation. « Ors », dit-il, terme difficile à traduire, qu'est-ce que cette technique du courant de conscience doit à la promiscuité de la guerre, à la cohabitation dans les tranchées, dans les abris, sous les bombes ? Elle se répondit en tout cas très vite à la suite de la guerre. Elle existait avant, mais avant c'était une curiosité. On l'a trouvée dans très peu de livres. Elle se répand aussitôt après la guerre, et notamment, on le sait bien, dans les romans de Virginia Woolf, par exemple dans Mrs. Dalloway, et c'est pour décrire à la fois la peur sous les bombardements, dans les abris, et le shell-shock sur le personnage qui se suicide à la suite du shell-shock, de l'obusite Septimus. En vérité, je ne peux pas penser à une meilleure image de la démocratie dans le roman que cette cacophonie, que cette pagaille discursive dans le chapitre d'ouverture de ce roman la parade est finie. Ce melting pot qui est la fusion des voix sous les obus. Plus de parade stylistique, plus de longs discours bien ordonnés, mais une confusion de voix, un tohu-bohu de propos décousus. Cela, il me semble, est l'effet du virus de la démocratie dans le roman. On pourrait parler de la même façon des romans de Dos Passos ou de Hemingway, de cette Lost Generation américaine. Il n'y a pas d'équivalent de ce genre de passe dans la littérature française. Pas de grand roman de guerre moderniste explorant les courants de conscience. Dans les années 20, le roman français tente d'oublier, d'ignorer la guerre dans la fantaisie. Mais de manière très significative, on trouve des épisodes de bazar, de chambard discursif, même dans les textes naturalistes les plus conventionnels. Et cela se situe toujours au moment où les hommes sont le plus misérable, le plus démuni, où ils ruminent leur douleur sans fin. C'est dans les ambulances, les infirmeries, les hôpitaux, là où ils sont, on a envie de dire, all equal in death, égaux devant la mort, maugréant et gémissant. Et voilà une scène du feu, roman le plus conventionnel, le plus naturaliste, et pourtant, où on observe ce brouhaha des lamentations et des grondements, dans l'odeur forte qu'un foyer innombrable de plaies entretient là, dans ce décor papillotant de cavernes peuplées d'une vie confuse et inintelligible. Je cherche d'abord à m'orienter. C'est ce souterrain de l'hôpital de campagne, où on répartit les blessés. Et voilà que commence, évidemment c'est pas aussi frappant que chez Ford Madox Ford, mais c'est aussi cette confusion des voix. Un jeune homme au milieu du banc parle tout seul, c'est le caractère inaudible de ses discours qui ne se croisent pas. Il dit qu'il est aviateur, il a des brûlures sur un côté du corps et à la figure, il continue à brûler dans la fièvre et il lui semble même qu'il est encore mordu par les flammes aiguës qui jaillissent du moteur. Il marmotte « Gott mit uns », puis « Dieu avec nous », « Un zouave », etc. Et là aussi, ça continue pendant tout un chapitre chez Barbus, cette sorte de juxtaposition de ces monologues détachés jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce ne sont pas exactement des courants de conscience, mais la discordance, la stridence, le bruit, qui seront la marque du roman moderniste transposé dans la métropole, dans l'entre-deux-guerres. Bien sûr, je l'ai dit, ces techniques étaient nées avant la guerre, mais leur exploitation par le roman anglais ou américain fut le fait d'hommes et de femmes, comme Virginia Woolf, profondément marqués par les traumatismes de la guerre. La Grande Guerre, la démocratie et la littérature, c'était donc ma question initiale. Oui, je risquerais l'idée que la Première Guerre mondiale fut un tournant dans la démocratisation de la littérature, du roman, non seulement au sens de cette prolifération des lectures dans les tranchées, non seulement à cause de l'argot du poilu, mais en raison de ce méli-mélo des voix sous les bombes, de cette cacophonie, de cette sorte d'impératif de polyphonie. Dès 1915, dans les brouillons du temps retrouvé, Proust proteste contre le retour et le triomphe de l'art populaire et patriotique. C'est à Barrès qu'il s'en prend et redoute que ce retour fasse de son roman une chose du passé. Mais les transformations qu'il introduisit dans Le Temps retrouvé, durant la guerre, portent elles-mêmes témoignage de ce changement d'époque. Même un roman aristocratique comme celui de Proust devient plus égalitaire avec la guerre. Les conversations des salons le cède au vacarme, au brouhaha des tranchées, dont Proust livre un écho, c'est justement dans une conversation entre militaires et ouvriers, dans une petite pièce étouffée, dans l'hôtel de Jupien. Petite pièce étouffée, comme chez Ford Madox Ford, où les quelques soldats monologuent. « Qu'est-ce que tu veux ? On fera comme les camarades, disait l'un. « Ah, pour sûr que je pense bien ne pas être tué ?» répondez à un vœu que je n'avais pas entendu, un autre, qui est-ce que je compris, repartait le lendemain pour un poste dangereux. Par exemple, à 22 ans, en n'ayant encore fait que 6 mois, ce serait fort, criait-il. Et cette conversation, sous conversation, continue pendant 2 pages. On cause évidemment un peu plus tranquillement à l'arrière que sous les bombes chez Barbus ou Ford Madox Ford, mais le résultat est le même. C'est la même polyphonie imposée par la guerre et, comme Virginia Woolf, Proust, quelques pages plus loin, nous fait descendre dans les abris du métro où tout le monde coexiste sans s'entendre, inaudibles les uns aux autres. Avec prudence, je répondrai donc oui à ma question initiale. La guerre a démocratisé la littérature en la rendant sensible à la cacophonie des voix, le fracas qui sera retrouvé ensuite dans la métropole, et aucun roman ne le résume mieux que celui de Faulkner, The Sound and the Fury. Merci. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté Antoine Compagnon, Guerre, littérature et démocratie, pour le colloque autour de 1914-1918. Et tout de suite, nous retrouvons Olivier Agard, Cinéma et barbarie positive dans la théorie du cinéma en Allemagne. Pour beaucoup d'intellectuels allemands des années 20 et 30, la Première Guerre mondiale est un traumatisme fondateur, même s'il s'insère en réalité dans une expérience historique plus large, celle d'une décomposition du monde bourgeois et de l'échec de l'idéologie de la culture telle que l'avait élaborée la bourgeoisie de culture, Bildungsbürgertum, tout au long du XIXe siècle. L'expérience de la guerre vient à cet égard confirmer une inquiétude sur la culture qui existait déjà avant 1914, et qui s'exprimait de façon virulente dans un discours de critique de la civilisation moderne, Kulturkritik, imprégnant une partie de la sociologie, de la philosophie, de la littérature et des arts. Cette inquiétude profonde face à la culture moderne avait favorisé, dans la décennie précédant la guerre, tout un mouvement de réforme culturelle, et il est bien connu qu'on trouve dès les années 1910, dans la culture d'avant-garde, par exemple dans la poésie et la peinture expressionniste, un sentiment de fin du monde, sentiment apocalyptique qui se prolonge parfois dans une véritable aspiration à la guerre. Et ce sentiment ne pouvait qu'être renforcé par la défaite de 1918 et la disparition de l'Empire wilhelminien, de l'Empire habsbourgeois. Et ce n'est pas un hasard si l'immédiate après-guerre est marquée en Allemagne par le succès du livre d'Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident. Pour une grande partie de la jeune génération philosophique, intellectuelle, la guerre invalide non seulement la culture de l'historisme, ainsi que l'idéalisme de la philosophie néo-kantienne dominante avant 1914, mais aussi tous les discours de réforme culturelle des années 1910, qui reposaient sur une synthèse de philosophie de la vie, de néo-idéalisme, d'une forme assez vague de religiosité, parfois purement esthétisante, comme chez Stefan Georg et son cercle ésotérique. Après 1918, l'heure est plutôt au thème existentialiste, au décisionnisme, ainsi qu'à un retour à l'objet. À l'utopie de l'expressionnisme succède la nouvelle objectivité, l'acceptation ou la confrontation avec la froide réalité. Cette recomposition du champ idéologique brouille en partie les frontières entre la gauche et la droite. Certains, comme Ernst Bloch, Rosenzweig et les deux penseurs dont je vais parler plus particulièrement, Walter Benjamin et Siegfried Krakauer, cherchent, dans une tradition messianique, des ressources nécessaires pour fonder une alternative à la fois au progressisme, mais aussi à ces discours de réforme culturelle qui n'ont pas su voir que la civilisation, ce qu'a montré la guerre, que la civilisation était travaillée en profondeur par la barbarie et par ce que Freud appelle désormais, à la suite de l'expérience de la guerre, la pulsion de mort. L'idée s'impose donc chez certains de ces intellectuels, et surtout chez Benjamin et Krakauer, que civilisation et barbarie sont imbriquées, que c'est au sein de la barbarie moderne elle-même qu'il faut trouver les ressources nécessaires à son dépassement. Et Gérard Rollet a bien mis en évidence l'importance de l'idée de barbarie positive chez Walter Benjamin, a montré comment c'était une clé pour comprendre son œuvre, en particulier ses écrits des années 1930, au moment où la montée du fascisme va réactiver une perception apocalyptique de la modernité qui s'articule aussi à une théorie des nouveaux médias et de leur portée révolutionnaire. Et Krakauer avait formulé des choses qui allaient dans ce sens. Et ce qui m'importe ici, c'est le rôle du cinéma comme lié à cette perspective d'une barbarie positive capable de subvertir la dialectique du retournement de la civilisation en barbarie. Pour Krakauer, comme pour Benjamin, le cinéma est organiquement lié à une civilisation moderne, post-bourgeoise, nourrie de l'expérience de la guerre. Dès l'avant-guerre, le cinéma avait suscité une opposition de la part des défenseurs des idéaux culturels de la bourgeoisie de culture. Le problème n'était pas seulement l'origine foraine du cinéma, son appel supposé aux bas instincts, mais aussi la rupture qu'il représentait en tant que langage artistique dans le sillage de la photographie. Georg Simmel opposait dans son ouvrage sur Rembrandt la photographie, simple reproduction littérale qui en reste à la surface optique des choses, à la peinture de Rembrandt qui saisissait leur signification vivante, leur nécessité intérieure. Cette distinction faisait écho à l'opposition qu'élaborait Bergson entre l'intuition de la durée vivante et l'intelligence spatialisante et analytique qui obéit au mécanisme cinématographique de la pensée et s'éloigne du dynamisme vital créateur. Pour Krakauer, le lien entre le cinéma et la civilisation moderne, dans cette dimension mortifère, abstraite, traumatisante, se manifeste à plusieurs niveaux. Sociologiquement, le cinéma est intimement relié aux mutations qui vident les valeurs de la bourgeoisie de culture de leur substance. En effet, le cinéma s'adresse prioritairement aux nouvelles masses urbaines, aux peuples des employés, qui sont à l'avant-garde d'une transformation de la société dans le sens d'une rationalisation accélérée. La nouvelle organisation du travail, dont les employés deviennent les victimes, inflige un démenti cinglant aux valeurs de personnalité, de subjectivité que véhiculait le discours de la Belle Donc. Or, les palais du cinéma, dit Krakauer, offrent un asile à ces employés qui n'ont plus de valeurs qui donnent un sens à leur existence. Le cinéma permet à ces masses urbaines de prendre conscience d'elles-mêmes, d'élaborer leur propre culture, adaptée aux nouvelles conditions de vie et de travail, un thème qu'on retrouve chez Benjamin. Et Krakauer n'a de cesse de critiquer un cinéma qui prétend mimer les formes d'art traditionnelles et bourgeoises et n'assume pas sa nature de produit de divertissement, de Serge Treuhand, à l'attention des masses urbaines. Dans son langage même, au-delà de cette question sociologique, le cinéma est pour Krakauer étroitement lié à la principale force qui s'exprime dans le processus de rationalisation, la ratio raison instrumentale qui tend, et c'est le danger, à s'autonomiser, à se séparer d'une raison émancipatrice des Lumières. Et cette raison instrumentale, elle est aussi à l'œuvre, aussi bien dans la circulation et la sociabilité dans la métropole urbaine que dans les nouvelles tendances architecturales, que dans le processus capitaliste de production ou que dans la guerre moderne. C'est sur l'affinité entre le cinéma et la ville que Krakauer insiste le plus. Le cinéma comme médium adéquat de cet espace désacralisé de la métropole moderne, c'est un thème développé dans la critique du film Die Straße, La rue, un film important de 1923. Ce monde mécanisé est violent. Il confronte l'individu à des chocs et requiert de sa part une faculté d'adaptation constante. Pour Krakauer, c'est la thématique principale du slapstick américain, genre cinématographique majeur, les films de Chaplin, comme le cirque, donne à voir le morcellement du monde mécanisé dans lequel l'individu est en proie à l'agression permanente de l'organisation et s'efforce de trouver sa place ou de survivre. Le cinéma, donc ses affinités entre cinéma et modernité urbaine s'expliquent aussi par le fait que le cinéma est un art visuel, la ville est dominée par des signaux optiques, lumière, feu de circulation, enseigne, publicité lumineuse. Et Zimmel caractérisait déjà le citadin, Georg Simmel, le sociologue, par l'hypertrophie du regard, le plus abstrait de tous les sens. Simmel estimait aussi que les nombreux signaux visuels en ville contribuaient à la nervosité urbaine due à l'abondance et l'intensité des stimuli auxquels le citadin est soumis. Un thème qui va être repris par Benjamin. En tant que captation visuelle des chocs qui agitent la surface de la ville, le cinéma est le mieux placé pour rendre compte d'un environnement tourné vers l'extériorité, dépourvu d'unité organique, de cohérence. Le cinéma est l'art de l'aléatoire, de l'association libre. Il parvient à rendre compte d'une réalité fragmentée, mouvante, kaléidoscopique, voire stroboscopique. C'est pourquoi le trafic automobile est une figure à la fois éminemment urbaine et cinématographique. Donc le cinéma restitue la surface éclatée, agitée, agressive de la ville. Et il a la capacité aussi de se mouvoir, la caméra, de se mouvoir librement dans cet univers qui ne peut plus être embrassé par un point de vue global. Fondamentalement, l'affinité à un autre niveau, l'affinité entre le cinéma et la violence du monde mécanisé sous toutes ses formes s'explique pour Krakauer par le fait que le cinéma en tant que médium photographique est lui-même un dispositif mécanique qui ne capte pas, et on retrouve Simmel, la continuité d'un sens, comme le fait le souvenir, mais simplement une juxtaposition de points situés dans l'espace. Dans son essai de 1927 sur la photographie, Krakauer part de la photographie d'une jeune actrice de 24 ans et la compare à celle d'une femme de 24 ans, aujourd'hui grand-mère, prise plus de 60 ans auparavant dans un atelier. Cette grand-mère, vue d'aujourd'hui, sur cette photographie, a l'apparence d'une poupée à la fois ridicule et effrayante, d'une simple collection de détails décoratifs démodés. Là où le souvenir que nous pouvons avoir de cette grand-mère cristallise tout un vécu, confère un sens à son image, son portrait photographique est une pure collection de détails étranges coexistant dans l'espace, et on a à nouveau ici cette distinction bergsonienne entre le temps durée et le temps-espace purement mécanique et analytique. La photographie a cependant, pour Krakauer, un rôle essentiel de révélation de cette négativité du monde pris dans le temps-espace, ce monde mécanisé, issu de la guerre, qui attend encore qu'on lui donne un sens. Toutefois, Krakauer va introduire ici une distinction entre cinéma et photographie, j'y reviendrai dans un moment. Cette solidarité entre cinéma et civilisation mécanisée, on la retrouve chez Benjamin, qui partage avec Krakauer l'intérêt pour le slapstick américain. Et dans les années 1930, Benjamin posera dans un texte célèbre le problème en termes de perte de l'aura, c'est-à-dire de la perte de cette trame singulière d'espace et de temps. Il place Benjamin aussi le cinéma sous le signe d'une esthétique du choc, insiste sur le lien entre cinéma et modernisation du processus de production. Il évoque le travail et la chaîne, par exemple. Dans la continuité de Georg Simmel, il insiste plus nettement que Krakauer sur le phénomène de la perception, en expliquant que le cinéma ouvre la voie à un nouveau type de perception, dit tactile et non plus contemplatif. Ce type de perception discontinue s'adresse à un nouveau type de subjectivité. Le spectateur de cinéma n'est plus le sujet tel que le voyait le discours de la Belle Donc. La perception tactile, avec ses stimuli violents et répétés, casse l'unité trompeuse du sujet bourgeois et sa fausse autonomie. Le spectateur de cinéma est un sujet distrait, qui s'inscrit de surcroît dans un sujet collectif. Comme l'écrit Benjamin, la masse distraite fait pénétrer en elle l'œuvre d'art. Benjamin prolonge ici la réflexion de Krakauer sur la notion de divertissement, de Serge Treuhand, qui a une double connotation. Une connotation pascalienne, la de Serge Treuhand, c'est divertissement, c'est-à-dire quelque chose qui nous détourne de l'expérience de l'absolu qui n'est plus possible dans la modernité. Mais de Serge Treuhand, ça veut dire aussi dispersion. Et la de Serge Treuhand, c'est aussi une forme d'art qui s'adresse à une subjectivité éclatée. Donc, pour Krakauer comme pour Benjamin, la négativité nouvelle dont le cinéma est le révélateur doit être menée à son terme. Il n'y a pas de retour à l'authenticité. C'est l'argument de l'article programmatique de Krakauer intitulé « L'ornement de la masse ». L'ornement de la masse, ce sont ces figures géométriques que forment les corps dans beaucoup de spectacles modernes. Donc Krakauer évoque les jambes des Tiller Girls, mais on peut penser aux comédies musicales de Busby Berkeley, par exemple, avec ses ornements humains. Pour Krakauer, ces ornements ont un statut ambivalent. Ils témoignent d'une rationalisation par leur caractère géométrique, épuré, mais en même temps, cette réapparition de l'ornement, dont la modernité avait prétendu s'affranchir, en privilégiant, par exemple, dans l'architecture, la forme au détriment de l'ornement. Donc, cette réapparition de l'ornement nous donne à penser que la modernité peut être porteuse d'une régression. Et la seule réponse, nous dit Krakauer, est de poursuivre, c'est pour ça que je parle de barbarie positive, le processus de modernisation en complétant cette rationalisation inachevée, lourde de menaces de régression qui se sont aussi matérialisées dans la guerre, par une rationalisation émancipatrice. Le processus, je cite, « conduit à traverser l'ornement de la masse, non à faire retour en arrière. Il ne peut avancer que si la pensée limite la nature et construit l'humain tel qu'il est en vertu de la raison. » Donc, cette rationalisation ouvre une perspective d'une sorte de recomposition, si elle est menée à son terme, à condition de ne pas se limiter à la dimension instrumentale de la rationalité. Et dans le texte sur la photographie que j'évoquais avec la grand-mère, Krakauer attribue au cinéma ce rôle d'ébranlement de la réalité, de réorganisation. Le cinéma pourrait préfigurer, en particulier par le montage, et je pense que ce texte est marqué par la réception des films d'Eisenstein en Allemagne, donc se préfigurer par le montage un ordre alternatif, un monde recomposé, qui fonctionnerait, le cinéma fonctionnerait comme une sorte de rêve, aussi un thème très présent dans la théorie du cinéma de l'époque. En tout cas, il est toujours clair que pour Krakauer, le cinéma contribue toujours à critiquer, à désamorcer la réalité qu'il montre, c'est-à-dire ce monde mécanisé et violent. Il introduit un point de vue ironique de mise à distance, dans le slapstick, dans les films de Charlot, par exemple. Il produit un effet d'estrangement. Il révèle l'exotisme du quotidien, et c'est là la force du slapstick. Donc, de même que le chemin pour Krakauer passe par l'ornement de la masse, par ce monde froid, rationnel, violent. Il passe pour Benjamin par la liquidation de Laura, qui doit être menée à son terme. Et pour Benjamin, le choc est la seule, en tout cas le Benjamin de ce texte-là, le choc est la seule forme de connaissance possible dans une époque marquée par la perte de l'expérience, une perte dont il faut prendre acte. Et le cinéma donc ouvre une sorte de dialectique au sein de cette rechute dans la nature que constitue le capitalisme, et il ouvre une alternative à l'évolution irréductible du capitalisme vers le fascisme, c'est-à-dire la guerre. Donc il ouvre le cinéma la possibilité d'un usage productif des nouveaux médias. Il est un art de la reproduction, mais il est en mesure de réparer la blessure infligée par la technologie moderne en adaptant l'appareil sensoriel à la violence des chocs et à la perte de l'expérience. La guerre moderne étant un visage de la violence impersonnelle et mécanique dont la rationalisation est porteuse, elle n'est jamais loin quand il est question de cinéma. Pour Krakauer, évidemment, l'armée est un exemple d'ornement de la masse, et il aura beau jeu, quand il verra plus tard les films de Leni Riefenstahl, d'appliquer cette théorie à la façon dont Leni Riefenstahl ornementalise les foules dans Le triomphe de la volonté. Krakauer pouvait s'appuyer sur le fait qu'il y avait de fait en Allemagne un lien fort entre l'industrie du cinéma et l'armée. C'est ce qu'il rappelle dans De Caligari à Hitler, le rôle de l'état-major dans la création de l'UFA, la grande société de production de films. Et la guerre est très présente en tant que spectacle dans le cinéma des années 20, même si ce n'est pas forcément la première guerre mondiale, puisque les films sur la Première Guerre mondiale, de fiction en tout cas, apparaissent à la fin des années 20. Mais la présence de la guerre dans le cinéma des années 20 va au-delà des films qui la représentent directement. C'est ce qu'a très bien montré l'historien du cinéma Anton Kess, hein, qui montre que tout un pan du cinéma de Weimar est placé sous le signe du traumatisme de la Première Guerre mondiale, aussi bien du point de vue de son langage que de ses thématiques. Et Kess parle de shell-shock cinéma, hein, shell-shock étant le choc de l'obus, l'obusite, hein, ce stress post-traumatique affectant les soldats du front. Et Kess montre comment on peut mettre en rapport le film Le cabinet du docteur Caligari avec les débats de l'époque sur les traitements de ce stress post-traumatique. Selon Kess, donc, la guerre technologique déshumanisée avec ses champs de bataille en forme de no man's land ne pouvait plus être représentée de façon réaliste. Elle appelait une destruction des standards de la représentation cinématographique, et c'est cette destruction que procède le cabinet du docteur Caligari en faisant le choix de décors volontairement anti-réalistes, inspirés de la peinture expressionniste, mais en détournant l'esthétique expressionniste, puisqu'il ne s'agit plus ici d'exprimer une utopie, une affirmation, mais un cauchemar, hein, de matérialiser un cauchemar. Et Kess analyse sous cet angle toute une série de films marquants des années 1920, comme Nosferatu, Les Nibelungen, Metropolis. Bon, je n'entre pas ici dans les détails. Et ce sont ces mêmes films que Krakauer va analyser dans son ouvrage De Caligari à Hitler, qui est un peu ultérieur à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, au cœur de ces analyses, il y a bien, même si Krakauer insiste dans ce livre sur ce qui préfigure le national-socialisme, c'est le thème de l'ouvrage, le traumatisme de la Première Guerre mondiale est bien présent dans l'ouvrage. Il est frappant de constater que tous les films analysés par Kess ou Krakauer sont aussi, donc ces films du traumatisme, sont aussi les films les plus ambitieux, les plus achevés de la période, ceux qui vont le plus loin dans l'exploration des moyens esthétiques du cinéma, comme si le traumatisme et la violence étaient au cœur de l'esthétique cinématographique. Et c'est un thème de Krakauer et Benjamin, donc ce lien organique entre guerre et cinéma. Krakauer, par exemple, note au début des années 30 que le film de Pabst, Westfront 1918, je crois, 4 de l'infanterie en français, constitue une avancée décisive en ce qui concerne l'utilisation du son au cinéma, et c'est aussi une étape très importante dans la représentation de la violence. Ce lien entre représentation de la guerre et conquête du langage cinématographique est également mis en évidence par Laurent Verret, qui rappelle dans son livre sur la Première Guerre au cinéma que les films de guerre américains avaient donné dans les années 20 le sentiment au public d'un renouvellement spectaculaire du langage cinématographique. Je cite, « Tous ces films, en bombardant le spectateur d'impressions visuelles inédites, parviennent à évoquer le dynamisme, la mécanisation et le caractère destructeur du conflit. » Alors les thèmes, termes utilisés par Laurent Verret ici, « bombardement », »,« mécanisation », sont ceux qui sont précisément utilisés par Benjamin quand il réfléchit sur son lien entre guerre et langage cinématographique. Benjamin considère que la guerre est un thème privilégié pour le cinéma en raison de sa capacité à varier les perspectives. La guerre représente une forme de comportement humain particulièrement adaptée aux appareils d'enregistrement. D'un texte sur un film de propagande national-socialiste, Victoire à l'Ouest, Krakauer note aussi comment la caméra traduit le dynamisme de l'armée conquérante et met le spectateur en état de perception accompagnée, motorise la perception. On a l'exemple typique là d'une réception donc tactile, physiologique et non plus contemplative. Pour Benjamin, le rapport tactile à l'image, propre au cinéma, est un rapport teinté de violence et de destruction. Le cinéma fonctionne comme un bombardement sensible. Cette violence est préfigurée dans le dadaïsme. Je cite, « D'images séduisantes pour l'œil ou de timbres éloquents pour l'oreille, l'œuvre d'art devint avec les dadaïstes un missile. » Comme on l'a entrevu, la guerre et le cinéma sont pour Benjamin deux destinées possibles et liées entre elles de la technique. La guerre est l'aboutissement d'une utilisation de la technique non pas à des fins émancipatrices, mais à des fins d'occultation de la réalité sociale. La guerre est le terme ultime de l'esthétisation du politique qui consiste à transformer, à récupérer le divertissement pour transformer la réalité en spectacle cinématographique, en œuvre d'art multimédia, en simulation géante de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, au moyen d'un appareil de propagande qui construit une réalité de substitution afin de masquer la réalité des antagonismes sociaux. Donc tous les efforts déployés, je cite Benjamin, pour esthétiser la politique culminent en un seul point, la guerre. Et donc la guerre combine pour Benjamin esthétique et technique, comme le cinéma, mais témoigne d'une incapacité de la société à s'approprier la technique. C'est une sorte de révolte destructrice de la technique, alors que le cinéma serait le moyen de domestiquer la technique, de se l'approprier, d'apprivoiser les chocs auxquels elle nous expose. Voilà, donc j'avais une dernière partie que je résumerai sur la question de l'horreur, parce que pour Krakauer, ce qui relie organiquement la guerre et le cinéma, à côté du mécanisme, la violence, c'est le rapport au choc, c'est le rapport à l'horreur, c'est-à-dire le cinéma comme capacité, médium particulièrement apte à représenter l'horreur, et en particulier l'horreur de la violence mécanisée moderne. Et Krakauer précise cependant que le cinéma ne permet pas de vaincre l'horreur, mais nous transforme en observateur conscient de cette horreur. Le film n'est plus, comme il pouvait l'être dans ses visions des années 30, le moteur d'une révolution qui mobiliserait les masses. C'est évidemment dû à un contexte historique tout à fait différent, c'est-à-dire que si les écrits que je vous ai présentés plus tôt ont été rédigés dans les années 1930-40 dans un contexte d'accélération ou de menace d'accélération de la guerre civile européenne, commencée en 1914, la théorie du film de 1950 est un produit de la guerre froide et d'une stabilisation relative, l'œuvre d'un survivant, d'un exilé, qui a pris ses distances avec les espoirs politiques, très problématiques, il est vrai, placés dans l'idée d'une barbarie positive, une conception que Benjamin lui-même, d'ailleurs, a révisée dans ses derniers écrits en jetant un regard plus ambivalent sur cette question de la perte de Laura. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter les 16 et 17 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres, la contribution d'Olivier Agard, cinéma et barbarie positive dans la théorie du cinéma en Allemagne. Et en première partie, vous avez écouté Antoine Compagnon, guerre, littérature et démocratie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des contributions. Les actes du colloque ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon chez Odile Jacob en 2015. En collaboration avec Yuji Murakami, Antoine Compagnon a publié l'anthologie « La grande guerre des écrivains » d'Apollinaire à Zweig en folio classique. Olivier Agard a publié « Krakauer, le chiffonnier mélancolique » aux éditions CNRS en 2010. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Guillaume Baldi, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des répercussions de la Première Guerre mondiale en compagnie de Roland Recht et de Makis Solomos. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.